بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 19 بعد 100، 119 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أن أدعو به في صلاتي. قال: يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Donc selon justement Abdullah ibn Amr ibn al-As, également selon Abu Bakr al-Siddiq, que ce dernier ait dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: enseigne-moi une invocation par laquelle je pourrais invoquer dans ma salat. Et lui a dit: dis, ô Allah, j'ai certes été injuste envers moi-même, une grande injustice, et personne ne pardonne les péchés en dehors de toi. Pardonne-moi d'un pardon provenant de toi, et fais-moi miséricorde, car certes tu es le pardonneur et le miséricordieux. Naam. Fayaqulu fadilat al-Sheikh ibn al-Uthaymeen rahmatullah ta'ala. Les rapporteurs de ce hadith sont justement Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui était l'un des plus grands ubbad dévots parmi les sahaba, qui faisait beaucoup d'actes d'adoration, dont on a déjà parlé précédemment. Il est l'un des plus grands rapporteurs de hadith. Il est d'ailleurs celui qui vient en deuxième position après Abu Huraira. Et le deuxième, c'est Abu Bakr al-Siddiq, qui est, dont on a déjà parlé auparavant, dont le nom c'est Abdullah ibn Uthman, qui est le meilleur des hommes après les Anbiya, et qui est le meilleur de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après le Nabi. Après le niveau des prophètes vient celui des hommes, et le meilleur de tous les hommes c'est lui. Le meilleur de tous les hommes c'est lui. Ensuite les trois autres califes bien guidés: Omar, puis Uthman, puis Ali. Il dit, Mordou al-Hadith, le sujet du Hadith, Bayan Shayin min Ad'iya al-Salat, que le sujet du Hadith pour montrer justement certaines choses par lesquelles on peut invoquer durant la Salat. Yaqulu fil Sharh al-Ijmali, l'explication globale du Hadith, As-Salatu min A'mal al-Salihati lati turja ijabatu al-Du'a fiha. Donc la Salat, c'est parmi les œuvres pieuses, durant lesquelles on espère de voir exaucer les invocations. Au fil des hadiths, yuhaddithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu annahu talaba min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an yu'allimahu du'a an yad'u bihi fi salatihi yakunu jami'an shamilan. Donc dans ce hadith justement, Abdullah ibn Amr rapporte que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a désiré du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui enseigne une invocation par laquelle il pourra invoquer dans sa salat. Une invocation qui soit générale, qui englobe le bien, avec peu de termes. فَأَرْشَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي الْحَدِيثِ. Et ensuite, le Nabi صلى الله عليه وسلم lui a indiqué de faire cette invocation, celle citée dans le hadith. قال وهذا الدعاء شامل جامع لأنواع الأدعية ففيه الاعتراف بالذنب وأن جميع الخلق عجزون عن مغفرته ثم إظهار الافتقار إلى الله بسؤال المغفرة والرحمة منه ثم الثناء عليه تعالى بما يناسب المطلوب إنك أنت الغفور الرحيم. Donc justement cette invocation elle est générale et elle renferme toutes les autres formes d'invocation en elle-même, car dedans elle contient le fait de reconnaître nos péchés et que toute la création est dans la capacité justement de pouvoir éviter cela. Nous sommes tous obligés de pécher. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut le faire volontairement, mais que cela nous a été écrit et prescrit que l'on doit pécher. Et également, le fait de faire apparaître le besoin de revenir vers Allah Azzawajal, en lui demandant le pardon ainsi que la miséricorde. Et également, cela enferme l'éloge à faire envers Allah Azzawajal, hein, l'éloge qui, justement, est approprié à l'invocation ou à la demande. Car il dit à la fin du dua, innaka antal ghafur rahim, c'est certes toi le pardonneur et le miséricordieux. Yaqulu fi fawadi al-hadith, enseignement du hadith, mashru'iyat ad-du'a bi yad ad-du'a fi salati, imma fi sujud wa aw imma bayna tasajjud wa taslim. Qu'il est légiféré de faire cette invocation justement dans la salat, soit dans la prosternation ou bien même entre le tashahhud et taslim. Quand tu as fini de faire le tashahhud et qu'il reste du temps, que tu veux invoquer, il t'est permis de faire cette invocation-là, car le hadith ne précise pas à quel moment faire la salat. Et les moments d'invocation dans la salat sont le sujoud, également l'assise entre les deux prosternations, et après le tashahhud. ثانيا فضيلة هذا الدعاء لجمعه وشموله وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه أبا بكر بطل به qui montre le mérite de cette invocation pour tout ce qu'elle enferme comme sens général et que le Nabi صلى الله عليه وسلم a enseigné spécialement à Abu Bakr رضي الله عنه après qu'il lui a demandé. ثالثا أنه لا أحد يغفر الذنوب إلا الله que personne ne pardonne les péchés en dehors d'Allah. Ça, contrairement à la croyance qu'ils peuvent avoir justement les Nansara, qui eux font ce qu'ils appellent une confession, qu'ils demandent rendez-vous aux prêtres qui vont dans leur isoloir, dans lequel ils racontent tous leurs péchés en se cachant, en se dissimulant, et à la fin, le prêtre leur dit qu'il leur pardonne et qu'ils peuvent partir. C'est-à-dire que pour eux, faire Tawbah, ça mérite de devoir le dire au prêtre et que c'est lui qui accorde le pardon, soi-disant. Et donc cela est du shirk, car le pardonneur c'est Allah Azzawajal. ثم قال خامسا أن اعتراف العبد بذنبه لربه ليس من المهاجر من مجاهرة المنيع عنها. Et que le fait que justement le serviteur reconnaisse ses péchés auprès de son Seigneur, ce n'est pas le jugement de, on va dire, mujahara, c'est le fait de faire les péchés ouvertement. De citer les péchés ouvertement. Contrairement justement à ce que font ces chrétiens, lorsqu'ils vont dans l'isoloir avec le prêtre, ils racontent ce qu'ils ont fait en détail. J'ai fait telle et telle chose, tel et tel jour, avec telle et telle personne, ou sur telle et telle personne, dans telle et telle circonstance. Alors que nous, on n'a pas à le dire justement. Si Allah nous a cachés dans nos péchés, nous devons nous cacher également. Nous devons nous cacher également. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Il a dit que toute ma communauté justement sont préservées par rapport à leurs péchés, à part ceux qui les racontent. C'est-à-dire qu'ils font des péchés et après ils vont raconter ce qu'ils font. Ou ceux qui les font ouvertement. Ou ceux qui les font ouvertement. Sadisan, anna kamal al-du'a an yartalifa al-da'i bihajatihi thumma yas'al Allah kashfaha thumma yusni alayhi bima yunasibu al-matloub. Et que parmi la perfection de la vocation, justement, il revient à celui qui invoque de reconnaître justement son erreur et qu'il reconnaisse qu'il est en besoin d'Allah Azzawajal. Ensuite, tu lui demandes. Lui demande justement de lui accorder son pardon, de retirer le mal qu'il subit. Et ensuite, il fait son éloge selon les formules appropriées en fonction de la demande. Naam, hadha alladhi qadna al-yumna al-hadith, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.